bataille a commencé depuis déjà bien des années. Quel sexe va bien pouvoir gagner? Les hommes décident d'être les plus forts, mais qui a tort sur les raisons de notre sort? Et dans tout ça, on oublie que notre cœur bat encore au rythme des efforts d'une humanité oubliée. Et on se bat pour une victoire complètement dérisoire, car de toute façon il est déjà bien trop tard. Et on se bat sans vraiment se battre pour être vraiment le meilleur, mais en réalité l'humanité fait pitié. On le sait, on l'aura compris que l'homme n'a aucun ami, et donc il plaide la folie. Pourquoi essayer de comprendre ce qu'est que l'harmonie quand on peut vivre sans aucun souci? Il suffit de faire la guerre de n'importe quelle façon, mais de la faire pour montrer qu'on est les plus forts sur notre terre. Et on se bat pour une victoire complètement dérisoire, car de toute façon il est déjà bien trop tard. Et on se bat sans vraiment se battre pour être vraiment le meilleur, mais en réalité l'humanité fait pitié. Et on se bat pour une victoire complètement dérisoire, car de toute façon il est déjà bien trop tard. Et on se bat sans vraiment se battre pour être vraiment le meilleur, mais en réalité l'humanité fait pitié. Et on se bat pour une victoire complètement dérisoire, car de toute façon il est déjà bien trop tard. Et on se bat sans vraiment se battre pour être vraiment le meilleur, mais en réalité l'humanité fait pitié.